Chapitre 15. Le Forward rejeté dans le sud. Le temps s'éclaircit vers le soir et la terre se laissa distinguer clairement entre le cap Sepping et le cap Clarence, qui s'avance vers l'est puis au sud et est relié à la côte de l'ouest par une langue de terre assez basse. La mer était libre de glace à l'entrée du détroit du Régent, mais comme si elle eût voulu barrer la route du nord au Forward, elle formait une banquise impénétrable au-delà du port Léopold. Atterras, très contrarié, sans en rien laisser paraître, dut recourir à des pétards pour forcer l'entrée du port Léopold. Il l'atteignit à midi, le dimanche 27 mai. Le brick fut solidement ancré sur de gros icebergs qui avaient l'aplomb, la dureté et la solidité du roc. Aussitôt, le capitaine, suivi du docteur, de Johnson et de son chien, Duke, s'élança sur la glace et ne tarda pas à prendre terre. Duke gambadait de joie. D'ailleurs, depuis la reconnaissance du capitaine, il était devenu très sociable et très doux, gardant ses rancunes pour certains hommes de l'équipage que son maître n'aimait pas plus que lui. Le port se trouvait débloqué de ces glaces que les brises de l'Est y entassent généralement. Les terres coupées à pic présentaient à leur sommet de gracieuses ondulations de neige. La maison et le fanal, construites par James Ross, se trouvaient encore dans un certain état de conservation, mais les provisions paraissaient avoir été saccagées par les renards et par les ours même, dont on distinguait les traces récentes. La main des hommes ne devait pas être étrangère à cette dévastation, car quelques restes de huttes d'Esquimaux se voyaient sur le bord de la baie. Les 6 tombes, renfermant 6 des marins de l'entreprise et de l'investigateur, se reconnaissaient à un léger renflement de la terre. Elles avaient été respectées par toute la race nuisible, hommes ou animaux. En mettant le pied pour la première fois sur les terres boréales, le docteur éprouva une émotion véritable. On ne saurait se figurer les sentiments dont le cœur est assailli à la vue de ces restes de maisons, de tentes, de huttes, de magasins que la nature conserve si merveilleusement dans les pays froids. « Voilà, dit-il à ses compagnons, cette résidence que James Ross lui-même nomma le camp de refuge. Si l'expédition de Franklin eût atteint cet endroit, elle était sauvée. Voici la machine qui fut abandonnée ici même et le poêle établi sur la plateforme auquel l'équipage du prince Albert se réchauffa en 1851. Les choses sont restées dans le même état et l'on pourrait croire que Kennedy, son capitaine, a quitté d'hier ce port hospitalier. Voici la chaloupe qui l'abrita pendant quelques jours, lui et les siens, car ce Kennedy, séparé de son navire, fut véritablement sauvé par le lieutenant Belot, qui brava la température d'octobre pour le rejoindre. « Un brave et digne officier que j'ai connu, » dit Johnson. Pendant que le docteur recherchait, avec l'enthousiasme d'un antiquaire, les vestiges des précédents hivernages, Atterras s'occupait de rassembler les provisions et le combustible qui ne se trouvaient qu'en très petite quantité. La journée du lendemain fut employée à les transporter à bord. Le docteur parcourait le pays sans trop s'éloigner du navire et dessinait les points de vue les plus remarquables. La température s'élevait peu à peu, la neige amoncelée commençait à fondre. Le docteur fit une collection assez complète des oiseaux du nord, tels que la mouette, le diver, les molinochtes, le canard édredon, qui ressemblent aux canards ordinaires avec la poitrine et le dos blanc, le ventre bleu, le dessus de la tête bleu, le reste du plumage blanc nuancé de quelques teintes vertes. Plusieurs d'entre eux avaient déjà le ventre dépouillé de ce joli édredon dont le mâle et la femelle se servent pour ouater leur nid. Le docteur aperçut aussi de gros phoques respirant à la surface de la glace, mais il ne put en tirer un seul. Dans ses excursions, il découvrit la pierre des marais où sont gravés les signes suivants, E1 1849, qui indique le passage de l'entreprise et de l'investigateur. Il poussa jusqu'au cap Clarence, à l'endroit même où John et James Ross, en 1833, attendaient si impatiemment la débâcle des glaces. La terre était jonchée d'ossements et de crânes d'animaux, et l'on distinguait encore les traces d'habitation d'Esquimaux. Le docteur avait eu l'idée d'élever un cairn au port Léopold et d'y déposer une note indiquant le passage du Forward et le but de l'expédition. Mais Hatteras s'y opposa formellement. Il ne voulait pas laisser derrière lui des traces dont quelques concurrents eût pu profiter. Malgré ses bonnes raisons, le docteur fut obligé de céder à la volonté du capitaine. Shandon ne fut pas le dernier à blâmer cet entêtement, car en cas de catastrophe, aucun navire n'aurait pu s'élancer au secours du Forward. Atterras ne voulut pas se rendre à ses raisons. Son chargement étant terminé le lundi soir, il tenta encore une fois de s'élever au nord en forçant la banquise. Mais, après de dangereux efforts, il dut se résigner à redescendre le canal du Régent. Il ne voulait à aucun prix demeurer au port Léopold qui, ouvert aujourd'hui, pouvait être fermé demain par un déplacement inattendu des icefields, phénomène très fréquent dans ces mers et dont les navigateurs doivent particulièrement se défier. Si Hatteras ne laissait pas percer ses inquiétudes au dehors, au dedans, il les ressentait avec une extrême violence. Il voulait aller au nord et se trouvait forcé de marcher au sud. Où arriverait-il ainsi ? Allait-il reculer jusqu'à Victoria Harbour, dans le golfe Boothia, où hiverna Sir John Ross en 1833 ? Trouverait-il le détroit de Bello, libre à cette époque, et contournant North Somerset, pourrait-il remonter par le détroit de Peel ? Ou bien se verrait-il capturé pendant plusieurs hivers comme ses devanciers et obligé d'épuiser ses forces et ses approvisionnements ? Ses craintes fermentaient dans sa tête, mais il fallait prendre un parti. Il vira de bord et s'enfonça vers le sud. Le canal du prince régent conserve une largeur à peu près uniforme depuis le port Léopold jusqu'à la baie Adélaïde. Le Forward marchait rapidement au milieu des glaçons, plus favorisés que les navires précédents, dont la plupart mirent un grand mois à descendre ce canal, même dans une saison meilleure. Il est vrai que ces navires, sauf le Fox, n'ayant pas la vapeur à leur disposition, subissaient les caprices d'un vent incertain et souvent contraire. L'équipage se montrait généralement enchanté de quitter les régions boréales. Il paraissait peu goûté ce projet d'atteindre le pôle. Il s'effrayait volontiers des résolutions d'Hatteras, dont la réputation d'audace n'avait rien de rassurant. Hatteras cherchait à profiter de toutes les occasions d'aller en avant, quelles qu'en fussent les conséquences. Et cependant, dans les mers boréales, avancer, c'est bien, mais il faut encore conserver sa position et ne pas se mettre en danger de la perdre. Le Forward filait à toute vapeur. Sa fumée noire allait se contourner en spirale sur les pointes éclatantes des icebergs. Le temps variait sans cesse, passant d'un froid sec à des brouillards de neige avec une extrême rapidité. Le brick d'un faible tirant d'eau rangeait de près la côte de l'ouest. Hatteras ne voulait pas manquer l'entrée du détroit de Bello, car le golfe de Boothia n'a d'autre sortie au sud que le détroit mal connu de la Furie et de l'Éclat. Ce golfe devenait donc une impasse si le détroit de Bello était manqué ou devenait impraticable. Le soir, le Forward fut en vue de la baie d'Alwyn, que l'on reconnut à ses hautes roches perpendiculaires. Le mardi matin, on aperçut la baie bâtie, où le 10 septembre 1851, le prince Albert s'ancra pour un long hivernage. Le docteur, sa lunette aux yeux, observait la côte avec intérêt. De ce point rayonnèrent les expéditions qui établirent la configuration géographique du North Somerset. Le temps était clair et permettait de distinguer les profondes ravines dont la baie est entourée. Le docteur et maître Johnson, seul peut-être, s'intéressait à ces contrées désertes. Hatteras, toujours courbé sur ses cartes, causait peu. Sa taciturnité s'accroissait avec la marche du brick vers le sud. Il montait souvent sur la dunette et, là, les bras croisés, l'œil perdu dans l'espace, il demeurait des heures entières à fixer l'horizon. Ses ordres, s'il en donnait, étaient brefs et rudes. Shandon gardait un silence froid et peu à peu se retirant en lui-même, il n'eut plus avec Hatteras que les relations exigées par les besoins du service. James Wall restait dévoué à Shandon et modelait sa conduite sur la sienne. Le reste de l'équipage attendait les événements, prêt à en profiter dans son propre intérêt. Il n'y avait plus à bord cette unité de pensée, cette communion d'idées, si nécessaire pour l'accomplissement des grandes choses. Hatteras le savait bien. On vit pendant la journée deux baleines filer rapidement vers le sud. On aperçut également un ours blanc qui fut salué de quelques coups de fusil, sans succès apparent. Le capitaine connaissait le prix d'une heure dans ces circonstances et ne permit pas de poursuivre l'animal. Le mercredi matin, l'extrémité du canal du Régent fut dépassée. L'angle de la côte ouest était suivi d'une profonde courbure de la terre. En consultant sa carte, le docteur reconnut la pointe de Somerset House, ou Pointe Furie. « Voilà, » dit-il à son interlocuteur habituel, « l'endroit même où se perdit le premier navire anglais envoyé dans ces mers en 1815, pendant le troisième voyage que Perry faisait au pôle. La Furie fut tellement maltraitée par les glaces au second hivernage que l'équipage dut l'abandonner et revenir en Angleterre sur sa conserve, l'Éclat. « Avantage évident d'avoir un second navire, » répondit Johnson. « C'est une précaution que les navigateurs polaires ne doivent pas négliger. Mais le capitaine Hatteras n'était pas homme à s'embarrasser d'un compagnon. » « Est-ce que vous le trouvez imprudent, Johnson ?» demanda le docteur. « Moi, je ne trouve rien, monsieur Clawbonny. Tenez, voyez sur la côte ces pieux qui soutiennent encore quelques lambeaux d'une tente à demi pourrie. » « Oui, Johnson, c'est là que Parry débarqua tous les approvisionnements de son navire. Et si ma mémoire est fidèle, le toit de la maison qu'il construisit était fait d'un hunier recouvert par les manœuvres courantes de la furie. Cela a dû bien changer depuis 1825. » Mais pas trop, Johnson. En 1829, John Ross trouva la santé et le salut de son équipage dans cette fragile demeure. En 1851, lorsque le prince Albert y envoya une expédition, cette maison subsistait encore. Le capitaine Kennedy la fit réparer il y a 9 ans de cela. Il serait intéressant pour nous de la visiter, mais Hatteras n'est pas d'humeur à s'arrêter. Il a sans doute raison, monsieur Clawbonny. Si le temps et l'argent en Angleterre, ici c'est le salut. Et pour un jour de retard, une heure même, on s'expose à compromettre tout un voyage. Laissez-le donc agir à sa guise. Pendant la journée du jeudi 1er juin, la baie qui porte le nom de baie Creswell fut coupée diagonalement par le Forward. Depuis la pointe de la Furie, la côte s'élevait vers le nord en rochers perpendiculaires de 300 pieds de hauteur. Au sud, elle tentait à s'abaisser. Quelques sommets neigeux présentaient au regard des tables nettement coupées, tandis que les autres, affectant des formes bizarres, projetaient dans la brume leurs pyramides aiguës. Le temps se radoucit pendant cette journée, mais au détriment de sa clarté. On perdit la terre de vue. Le thermomètre remonta à 32 degrés, 0 centigrade. Quelques jolies notes voletaient, çà et là, et des troupes d'oies sauvages pointaient vers le nord. L'équipage dut se débarrasser d'une partie de ses vêtements. On sentait l'influence de la saison d'été dans ces contrées arctiques. Vers le soir, le Forward doubla le cap Guéry à un quart de mile du rivage par un fond de 10 à 12 brasses, et dès lors il rangea la côte de près jusqu'à la baie Brentford. C'était sous cette latitude que devait se rencontrer le détroit de Bello, détroit que Sir John Ross ne soupçonna même pas dans son expédition de 1828. Ces cartes, en effet, indiquent une côte non interrompue dont il a noté et nommé les moindres irrégularités avec le plus grand soin. Il faut donc admettre qu'à l'époque de son exploration, l'entrée du détroit, complètement fermée par les glaces, ne pouvait en aucune façon se distinguer de la terre elle-même. Ce détroit fut réellement découvert par le capitaine Kennedy dans une excursion faite en avril 1852. Il lui donna le nom du lieutenant Bello. « Juste tribut, dit-il, aux importants services rendus à notre expédition par l'officier français. » Chapitre 16. Le pôle magnétique. Hatteras, en s'approchant de ce détroit, sentit redoubler ses inquiétudes. En effet, le sort de son voyage allait se décider. Jusqu'ici, il avait fait plus que ses prédécesseurs, dont le plus heureux McClintock mit 15 mois à atteindre cette partie des mers polaires. Mais c'était peu, et rien même s'il ne parvenait à franchir le détroit de Bello. Ne pouvant revenir sur ses pas, il se voyait bloqué jusqu'à l'année suivante. Aussi, il ne voulut s'en rapporter qu'à lui-même du soin d'examiner la côte. Il monta dans le Nid Pie et il y passa plusieurs heures de la matinée du samedi. L'équipage se rendait parfaitement compte de la situation du navire. Un profond silence régnait à bord. La machine ralentit ses mouvements. Le Forward se tint aussi près de terre que possible. La côte était hérissée de ces glaces que les plus chauds étés ne parviennent pas à dissoudre. Il fallait un œil habile pour démêler une entrée au milieu d'elle. Hatteras comparait ses cartes et la terre. Le soleil s'étant montré un instant vers midi, il fit prendre par Chandon et Wall une observation assez exacte qui lui fut transmise à voix haute. Il y eut là une demi-journée d'anxiété pour tous les esprits. Mais soudain, vers 2 heures, ces paroles retentissantes tombèrent du haut du mât de misaine. « Le cap à l'ouest est forcé de vapeur !» Le brick obéit instantanément, il tourna sa proue vers le point indiqué. La mer écuma sous les branches de l'hélice et le Forward s'élança à toute vitesse entre 2 ice streams convulsionnés. Le chemin était trouvé. Atterras redescendit sur la dunette et l'Icemaster remonta à son poste. « Eh bien, capitaine, dit le docteur, nous sommes donc enfin entrés dans ce fameux détroit ?»« Oui, répondit Atterras en baissant la voix, mais ce n'est pas tout que d'y entrer, il faut encore en sortir. » Et sur cette parole, il regagna sa cabine. « Il a raison, se dit le docteur. Nous sommes là comme dans une souricière, sans grand espace pour manœuvrer, et s'il fallait hiverner dans ce détroit, bon, nous ne serions pas les premiers à qui pareille aventure arriverait, et où d'autres se sont tirés d'embarras, nous saurions bien nous tirer d'affaire. » Le docteur ne se trompait pas. C'est à cette place même, dans un petit port abrité, nommé Port Kennedy par McClintock lui-même, que le Fox hiverna en 1858. En ce moment, on pouvait reconnaître les hautes chaînes granitiques et les falaises escarpées des deux rivages. Le détroit de Bello, d'un mile de large sur 17 miles de long, avec un courant de 6 à 7 nœuds, est encaissé dans des montagnes dont l'altitude est estimée à 1600 pieds. Il sépare North Somerset de la terre Boothia. Les navires, on le comprend, n'y ont pas leur coudée franche. Le Forward avançait avec précaution, mais il avançait. Les tempêtes sont fréquentes dans cet espace resserré et le brick n'échappa pas à leur violence habituelle. Par ordre d'Atterras, les vergues des perroquets et des huniers furent envoyées en bas, les mâts dépassés. Malgré tout, le navire fatigua énormément. Les coups de mer arrivaient par paquets dans les rafales de pluie. La fumée s'enfuyait vers l'est avec une étonnante rapidité. On marchait un peu à l'aventure au milieu des glaces en mouvement. Le baromètre tomba à 29 pouces. Il était difficile de se maintenir sur le pont, aussi la plupart des hommes demeuraient dans le poste pour ne pas souffrir inutilement. Atterras, Johnson, Chandon restèrent sur la dunette en dépit des tourbillons de neige et de pluie. Et il faut ajouter le docteur qui, s'étant demandé ce qui lui serait le plus désagréable de faire en ce moment, monta immédiatement sur le pont. On ne pouvait s'entendre et à peine se voir. Aussi garda-t-il pour lui ses réflexions. Atterras essayait de percer le rideau de brume, car, d'après son estime, il devait se trouver à l'extrémité du détroit vers les 6 heures du soir. Alors, toute issue parut fermée. Atterras fut donc forcé de s'arrêter et s'ancra solidement à un iceberg. Mais il resta en pression toute la nuit. Le temps fut épouvantable. Le Forward menaçait à chaque instant de rompre ses chaînes. On pouvait craindre que la montagne, arrachée de sa base sous les violences du vent d'ouest, ne s'en allât à la dérive avec le brick. Les officiers furent constamment sur le qui-vive et dans des appréhensions extrêmes. Aux trombes de neige se joignait une véritable grêle ramassée par l'ouragan sur la surface dégelée des bancs de glace. C'était autant de flèches aiguës qui hérissaient l'atmosphère. La température s'éleva singulièrement pendant cette nuit terrible. Le thermomètre marqua 57 degrés, plus 14 degrés centigrades. Et le docteur, à son grand étonnement, crut surprendre dans le sud quelques éclairs suivis d'un tonnerre très éloigné. Cela semblait corroborer le témoignage du baleinier Scoresby, qui observa un pareil phénomène au-delà du 65e parallèle. Le capitaine Parry fut également témoin de cette singularité météorologique en 1821. Vers les 5 heures du matin, le temps changea avec une rapidité surprenante. La température retourna subitement au point de congélation, le vent passa au nord et se calma. On pouvait apercevoir l'ouverture occidentale du détroit, mais entièrement obstruée. Atterras promenait un regard avide sur la côte, se demandant si le passage existait réellement. Cependant, le brick appareilla et se glissa lentement entre les ice streams, tandis que les glaces s'écrasaient avec bruit sur son bordage. Les packs, à cette époque, mesuraient encore 6 à 7 pieds d'épaisseur. Il fallait éviter leur pression avec soin, car au cas où le navire y eût résisté, il aurait couru le risque d'être soulevé et jeté sur le flanc. À midi, et pour la première fois, on put admirer un magnifique phénomène solaire, un halo avec 2 parhélies. Le docteur l'observa et en prit les dimensions exactes. L'arc extérieur n'était visible que sur une étendue de 30 degrés de chaque côté du diamètre horizontal. Les 2 images du soleil se distinguaient remarquablement. Les couleurs aperçues dans les arcs lumineux étaient du dedans au dehors, le rouge, le jaune, le vert, un bleuâtre très faible, enfin de la lumière blanche sans limite extérieure assignable. Le docteur se souvint de l'ingénieuse théorie de Thomas Young sur ces météores. Ce physicien suppose que certains nuages, composés de prismes de glace, sont suspendus dans l'atmosphère. Les rayons du soleil qui tombent sur les prismes sont décomposés sous des angles de 60 et 90 degrés. Les halos ne peuvent donc se former par des ciels sereins. Le docteur trouvait cette explication fort ingénieuse. Les marins, habitués aux mers boréales, considèrent généralement ce phénomène comme précurseur d'une neige abondante. Si cette observation se réalisait, la situation du Forward devenait fort difficile. Hatteras résolut donc de se porter en avant. Pendant le reste de cette journée et pendant la nuit suivante, il ne prit pas un instant de repos. Lorgnant l'horizon, s'élançant dans les enfléchures, ne perdant pas une occasion de se rapprocher de l'issue du détroit. Mais au matin, il dut s'arrêter devant l'infranchissable banquise. Le docteur le rejoignit sur la dunette. Hatteras l'emmena tout à fait à l'arrière et ils purent causer sans crainte d'être entendus. « Nous sommes pris, » dit Hatteras. « Impossible d'aller plus loin. »« Impossible ?» fit le docteur. « Impossible. Toute la poudre du Forward ne nous ferait pas gagner un quart de mile. » « Que faire alors ?» dit le docteur. « Que sais-je ? Maudite soit cette funeste année qui se présente sous des auspices aussi défavorables. Eh bien, capitaine, s'il faut hiverner, nous hivernerons. Autant vaut cet endroit qu'un autre. » « Sans doute, » fit Hatteras à voix basse. « Mais il ne faudrait pas hiverner, surtout au mois de juin. L'hivernage est plein de dangers physiques et moraux. L'esprit d'un équipage se laisse vite abattre par ce long repos au milieu de véritables souffrances. » Aussi, je comptais bien ne m'arrêter que sous une latitude plus rapprochée du pôle. Oui, mais la fatalité a voulu que la baie de Baffin fût fermée. Elle qui s'est trouvée ouverte pour un autre, s'écria Hatteras avec colère. Pour cet Américain, ce... Voyons, Hatteras, dit le docteur, en l'interrompant à dessein. Nous sommes encore qu'au 5 juin. Ne nous désespérons pas. Un passage soudain peut s'ouvrir devant nous. Vous savez que la glace a une tendance à se séparer en plusieurs blocs, même dans les temps calmes, comme si une force répulsive agissait entre les différentes masses qui la composent. Nous pouvons donc d'une heure à l'autre trouver la mer libre. Eh bien qu'elle se présente et nous la franchirons, il est très possible qu'au-delà du détroit de Bello, nous ayons la facilité de remonter vers le nord par le détroit de Peel ou le détroit de McClintock. Et alors, capitaine, vint dire en ce moment James Wall, nous risquons d'être démontés de notre gouvernail par les glaces. Eh bien, répondit Hatteras, risquons-le. Je ne consentirai pas à le faire enlever. Je veux être prêt à toute heure de jour ou de nuit. Veillez, monsieur Wall, à ce qu'on le protège autant que possible en écartant les glaçons, mais qu'il reste en place, vous m'entendez? Cependant, ajouta Wall, je n'ai pas d'observations à recevoir, monsieur, dit sévèrement Hatteras. Allez. Wall retourna vers son poste. « Ah !» fit Hatteras avec un mouvement de colère, « je donnerais 5 ans de ma vie pour me trouver au nord. Je ne connais pas de passage plus dangereux. Pour surcroît de difficultés, à cette distance rapprochée du pôle magnétique, le compas d'or, l'aiguille devint paresseuse ou affolée et change constamment de direction. « J'avoue, répondit le docteur, que c'est une périlleuse navigation, mais enfin, ceux qui l'ont entreprise s'attendaient à ces dangers. Il n'y a rien là qui doive les surprendre. » « Ah, docteur, mon équipage est bien changé, et vous venez de le voir. Les officiers en sont déjà aux observations. Les avantages pécuniaires offerts aux marins étaient de nature à décider leur engagement. Mais ils ont leur mauvais côté, puisque après le départ, ils font désirer plus vivement le retour. Docteur, je ne suis pas secondé dans mon entreprise. Et si j'échoue, ce ne sera pas par la faute de tel ou tel matelot dont on peut avoir raison, mais par le mauvais vouloir de certains officiers. Ah, ils le paieront cher. » « Vous exagérez, Hatteras. Je n'exagère rien. Croyez-vous que l'équipage soit fâché des obstacles que je rencontre sur mon chemin? Au contraire, on espère qu'ils me feront abandonner mes projets. Aussi ces gens ne murmurent pas, et tant que le Forward aura le cap au sud, il en sera de même. Les fous, ils s'imaginent qu'ils se rapprochent de l'Angleterre. Mais si je parviens à remonter au nord, vous verrez les choses changer. Je jure pourtant que pas un être vivant ne me fera dévier de ma ligne de conduite. Un passage, une ouverture, de quoi glisser mon brick quand je devrais y laisser le cuivre de son doublage, et j'aurai raison de tout. » Les désirs du capitaine devaient être satisfaits dans une certaine proportion. Suivant les prévisions du docteur, il y eut un changement soudain pendant la soirée. sous une influence quelconque de vent, de courant ou de température, les icefields vinrent à se séparer. Le Forward se lança hardiment, brisant de sa proue d'acier les glaçons flottants. Il navigua toute la nuit et le mardi, vers les 6 heures, il débouqua du détroit de Bello. Mais quelle fut la sourde irritation d'Hatteras en trouvant le chemin du Nord obstinément barré. Il eut cependant assez de force d'âme pour contenir son désespoir. Et comme si la seule route ouverte eût été la route préférée, il laissa le Forward redescendre le détroit de Franklin. Ne pouvant remonter par le détroit de Peel, il résolut de contourner la terre du prince de Galles pour gagner le canal Mackintock. Mais il sentait bien que Shandon et Wall ne pouvaient s'y tromper et savaient à quoi s'en tenir sur son espérance déçue. La journée du 6 juin ne présenta aucun incident. Le ciel était neigeux et les pronostics du halo s'accomplissaient. Pendant 36 heures, le Forward suivit les sinuosités de la côte de Bothia sans parvenir à se rapprocher de la terre du prince de Galles. Hatteras forçait de vapeur, brûlant son charbon avec prodigalité. Il comptait toujours refaire son approvisionnement à l'île Bichet. Il arriva le jeudi à l'extrémité du détroit de Franklin et trouva encore le chemin du Nord infranchissable. C'était à se désespérer. Il ne pouvait plus même revenir sur ses pas. Les glaces le poussaient en avant et il voyait sa route se refermer incessamment derrière lui comme s'il n'eût jamais existé de mer libre là où il venait de passer une heure auparavant. Ainsi, non seulement le Forward ne pouvait gagner au nord, mais il ne devait pas s'arrêter un instant, sous peine d'être pris, et il fuyait devant les glaces comme un navire fuit devant l'orage. Le vendredi 8 juin, il arriva près de la côte de Bothia, à l'entrée du détroit de James Ross, qu'il fallait éviter à tout prix, car il n'a d'issue qu'à l'ouest et aboutit directement aux terres d'Amérique. Les observations faites à midi sur ce point donnèrent 70 degrés 5 minutes 17 secondes pour la latitude et 96 degrés 46 minutes 45 secondes pour la longitude. Lorsque le docteur connut ces chiffres, il les rapporta à sa carte et vit qu'il se trouvait enfin au pôle magnétique, à l'endroit même où James Ross, le neveu de Sir John, vint déterminer cette curieuse situation. La terre était basse près de la côte et se relevait d'une 60aine de pieds seulement en s'écartant de la mer de la distance d'un mile. La chaudière du Forward ayant besoin d'être nettoyée, le capitaine fit ancrer son navire à un champ de glace et permit au docteur d'aller à terre en compagnie du maître d'équipage. Pour lui, insensible à tout ce qui ne se rattachait pas à ses projets, il se renferma dans sa cabine, dévorant du regard la carte du pôle. Le docteur et son compagnon parvinrent facilement à terre. Le premier portait un compas destiné à ses expériences. Il voulait contrôler les travaux de James Ross. Il découvrit aisément le monticule de pierres à chaux élevé par ce dernier. Il y courut. Une ouverture permettait d'apercevoir à l'intérieur la caisse d'étain dans laquelle James Ross déposa le procès-verbal de sa découverte. Pas un être vivant ne paraissait avoir visité depuis 30 ans cette côte désolée. En cet endroit, une aiguille aimantée, suspendue le plus délicatement possible, se plaçait aussitôt dans une position à peu près verticale sous l'influence magnétique. Le centre d'attraction se trouvait donc à une très faible distance, sinon immédiatement au-dessous de l'aiguille. Le docteur fit son expérience avec soin. Mais si James Ross, à cause de l'imperfection de ses instruments, ne put trouver pour son aiguille verticale qu'une inclinaison de 89 degrés 59 minutes, c'est que le véritable point magnétique se trouvait réellement à 1 minute de cet endroit. Le docteur Claoboni fut plus heureux, et à quelque distance de là, il eut l'extrême satisfaction de voir son inclinaison de 90 degrés. « Voilà donc exactement le pôle magnétique du monde » s'écria-t-il en frappant la terre du pied. « C'est bien ici ?» demanda Maître Johnson. « Ici même, mon ami. » « Alors, reprit le maître d'équipage, il faut abandonner toute supposition de montagne d'aimant ou de masse aimantée. »« Oui, mon brave Johnson, » répondit le docteur en riant. « Ce sont les hypothèses de la crédulité. Comme vous le voyez, il n'y a pas la moindre montagne capable d'attirer les vaisseaux, de leur arracher leur fer, ancre par ancre, clou par clou, et vos souliers eux-mêmes sont aussi libres qu'en tout autre point du globe. » Alors, comment expliquer ? On ne l'explique pas, Johnson. Nous ne sommes pas encore assez savants pour cela. Mais ce qui est certain, exact, mathématique, c'est que le pôle magnétique est ici même, à cette place. Ah, monsieur Clawbonny, que le capitaine serait heureux de pouvoir en dire autant du pôle boréal. Il le dira, Johnson, il le dira. Dieu le veuille, répondit ce dernier. Le docteur et son compagnon élevèrent un cairn sur l'endroit précis où l'expérience avait lieu, et le signal de revenir leur ayant été fait, ils retournèrent à bord à 5 heures du soir.